Dans les derniers combats, après avoir fait des prodiges, la paroisse de Vauvert, à moitié détruite, fut coupée par un corps de républicains et ne put regagner la Loire. Les gentilshommes qui la commandaient n'avaient pas, il est vrai, applaudi à ce plan de campagne, mais ils s'étaient résignés à le suivre. Ils défendaient les derrières de l'armée, encombrées de chariots, de blessés et de femmes, quand le corps ennemi les rejeta dans le pays. Une fois isolés, ils furent attaqués avec furie par une colonne républicaine. Les paysans, blessés pour la plupart et harassés par les fatigues des deux dernières journées, se battirent en désespéré. Ils furent écrasés. Gaston, qui les commandait, entouré de bleus qui lui criaient de se rendre, se défendit jusqu'à la mort et tomba criblé de balles. Le reste des paysans et quelques officiers se cachent dans un bois et y passent la nuit. Monsieur de Vendôvre, évanoui, percé de coups, était accroupi dans un tronc d'arbre. Le lendemain, dès l'aube, quatre ou cinq de ces malheureux se rejoignent dans les broussailles en rampant sur les mains, couverts de sang et de blessures. Ils eurent peine à se reconnaître. Au moyen d'un cri des paysans connus dans l'armée, ils parviennent à réunir ce qui restait de la paroisse, au nombre de 40 à 50 hommes, exténués, à demi-morts. Ne doutant pas, après les tristes préparatifs du passage de la Loire, que l'armée tout entière n'y eût péri, ils s'orientent et se mettent en route pour retourner dans leur foyer. Chemin faisant, à travers les bois, ils virent plusieurs de leurs camarades couchés çà et là, qui étaient morts dans la nuit. Ils furent obligés d'en abandonner d'autres, qui tombaient de lassitude ou que leurs blessures empêchaient de marcher et qui les suppliaient de les laisser là, n'ayant plus que peu de temps à vivre. C'était à chaque pas des adieux déchirants. Les mourants chargeaient leurs amis de commissions pour leurs femmes et leurs enfants. La mort de Gaston avait si profondément démoralisé ces braves gens que tous les maux leur étaient indifférents. Un vieux paysan qui s'était laissé tomber au pied d'un arbre, la tête ouverte d'un coup de sabre, et qu'on voulait emmener, disait d'un air stupide « Comment voulez-vous retourner chez monsieur le marquis puisque son fils est mort ?» Cet horrible voyage dura 10 jours, à travers les patrouilles et les avant-postes des Bleus, par des bois et des chemins détournés. On abandonnait encore des cadavres ou des hommes découragés qui refusaient d'aller plus loin malgré les exhortations et les menaces des 8 ou 10 gentilshommes qui restaient. Aux environs de Clisson, un fermier qui connaissait M. de Châteaumur mit un cheval frais à la disposition de la troupe. Un paysan encore ringambe y monta et courut à Vauvert annoncer l'arrivée de ses camarades. Toute la paroisse était sur la route avant que le château fût informé. Rien ne saurait peindre la douleur et le désespoir de ces femmes quand elles virent arriver ces quelques malheureux défigurés et se traînant à peine. Chaque famille avait à pleurer un fils ou un père. On n'entendait que des plaintes pitoyables interrompues par 1000 questions auxquelles on n'osait répondre. Et ce silence lugubre était le signal de nouveaux cris. Il y avait de ces pauvres gens qui demeuraient comme étourdis de ce malheur. Les gentilshommes se dirigèrent vers le château. Les cours étaient désertes. Ils entrèrent au nombre de 7 ou 8, harassés, méconnaissables, montés sur des spectres de chevaux couverts de boue et de plaies, et singulièrement décorés d'épaulettes et de cocardes républicaines qu'on leur attachait à la queue en trophée. Heureusement, un homme de la maison accourut, essayant de leur faire entendre qu'il y avait quelques difficultés à les introduire sur le champ. Ces messieurs comprirent seulement qu'il fallait préparer M. de la Charnay aux tristes nouvelles qu'ils apportaient. M. de Vendôvre, l'ami et le parent du marquis, mit pied à terre et voulut monter le premier auprès de lui. Monsieur de la Charnay était dans son grand salon, enfoncé dans un fauteuil au coin de la cheminée derrière un paravent, les pieds tendus sur un tabouret et sa canne entre les jambes. Mademoiselle de la Charnay était à quelques pas, devant un métier à broder près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Tout dépouillé dans cette saison, elle tenait une carte de géographie étendue sur son métier et son doigt y suivait divers points qu'elle nommait les uns après les autres pour des calculs que son père lui avait demandés. Le marquis tantôt penchait la tête, tantôt se redressait sur son coussin, le front haut, la main sous la pomme de sa canne. En ce moment, on entendit un bruit de bottes sur le parquet. Monsieur de Vendôvre était entré à grands pas, sans prendre le temps de parler à la fille qui le suivait. « Monsieur de Vendôvre !» s'écria mademoiselle de la Charnay. « Vendôvre !» dit le marquis en se levant. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Mademoiselle de la Charnay accourt, saisit le bras de Monsieur de Vendôvre, se jette vers la fenêtre de la cour. « Mais quoi? Qu'est-ce? Qu'arrive-t-il ? » Elle voit les hommes, les chevaux, la cour pleine de gens. Une idée la frappe comme la foudre. Tout est fini, tout est découvert. Le premier mot va la perdre. « Comment se fait-il, Vendôvre ? » Par quel hasard êtes-vous seul, mon ami? Et mon fils, et nos gens? Hélas non, je ne suis pas seul. Nous sommes... » Les pleurs les suffoquent tous les deux. Monsieur de Vendôme pleure de douleur, le marquis de joie et de surprise. Mademoiselle de la Charnay retournait à Monsieur de Vendôme, courait à la fenêtre, égarée, palpitante, ne sachant que faire, quel parti prendre, comment prévenir le coup. « Parlez, mon ami, dit le marquis, parlez-moi donc. Je vous croyais à Chartres, ou pour le moins au Mans. Et la reine, où est-elle? M'apportez-vous des lettres? Et l'armée? Pourquoi la quitter dans un pareil moment? Et mon fils? Il n'est pas là, je pense ?» Une sueur froide déglaça tout le corps de Mademoiselle de la Charnay. Monsieur de Vendôme, troublé, ne répondait pas. Il avait à peine entendu les autres questions, occupé seulement de la mort de Gaston, dans la crainte et l'étonnement que le marquis l'ignorât. Il s'écoula un moment mortel, durant lequel Mademoiselle de la Charnay, éperdue, les bras étendus, chancela comme si la terre allait s'entr'ouvrir sous ses pieds. « Mon fils, dites, Vendôme, mon fils !» Tout à coup, Mademoiselle de la Charnay se précipita dans les bras de Monsieur de Vendôme avec un regard suppliant où s'étaient concentrées toutes les puissances de son âme. Monsieur de Vendôme pensa qu'elle voulait lui faire entendre que le marquis ignorait la mort de Gaston et qu'il ne fallait pas le désabuser. « Il n'est point avec nous, » dit-il en baissant la tête. « J'en étais sûr, » dit le marquis. « Il n'aura pas voulu quitter l'armée. Mais vous-même, au nom du ciel, ce n'est pas que je vous reproche de me procurer le plaisir de vous voir, mais dans quel moment quittez-vous l'armée? Le roi délivré, la reine à votre tête, la convention abattue, le fédéralisme qui vous seconde. » Monsieur de Vendôme, qui tournait le dos à Mademoiselle de la Charnay, la regarda avec étonnement. Elle était comme étourdie, son sang s'était figé dans ses veines. Elle jeta une main sur le bras de Monsieur de Vendôme et porta l'autre à sa bouche comme pour le réduire au silence. « Qu'en dites-vous, Vendôme ? » reprit le marquis. « Voilà le malheur d'une telle guerre, il n'y a point d'autorité. Où est le fruit de votre campagne ? À quoi vous servent ces immortelles 6 semaines de succès et votre victoire de Mortagne et celle de Cholet ? Car j'ai tout su ici, mon fils m'adresse assez régulièrement le récit des opérations. » Je gage qu'on s'amuse à canonner des bicoques. J'avais envoyé mes observations là-dessus. Il paraît qu'on n'en tient pas compte. On peut bien le dire à nos chefs. Vous savez vaincre Hannibal, mais vous ne savez pas profiter de la victoire. Enfin, où en est-on, Vendôme? Je vous coupe la parole. Que compte-t-on faire du jeune roi? Monsieur de Vendôme crut qu'il avait perdu l'esprit et ne pouvait dire une parole. Mademoiselle de la Charnay s'était laissée tomber sur son siège, ne voyant plus, n'entendant rien, toute préparée à l'horrible explosion qu'elle allait suivre et ne faisant rien pour la prévenir. Il était clair pour Monsieur de Vendôme que le marquis ne savait point la mort de son fils et qu'il y avait dans tout ceci quelque chose d'extraordinaire. « De grâce, mon ami, reprit le marquis, où en est-on? Que fait mon fils? Où avez-vous laissé l'armée? » Monsieur de Vendôme le regarda fixement, lui prit la main, et se pencha comme pour lui répondre. Ces dernières questions avaient frappé Mademoiselle de la Charnay et l'avaient tirée de sa torpeur. Elle remarqua le mouvement de Monsieur de Vendôme, se ranima par le désespoir, vit comme un éclair que tout n'était pas désespéré et par un élan suprême renversa son métier à broder avec fracas. Monsieur de Vendôme se retourna au bruit et la vit derrière lui à genoux, lui tendant les bras avec des signes de désespoir. Il se tut tout effrayé, 1000 idées confuses lui traversèrent l'esprit. Le marquis reconnut le bruit du métier et, sans s'interrompre, tant il était animé, « Que dit la reine? Qui est-ce qui l'entoure? Le conseil supérieur avait à considérer qu'il ne dirigeait pas seulement une armée, mais une régence. Je sais qu'il est fort difficile de mener des corps séparés, d'éteindre les rivalités, mais la présence du roi devait tout accommoder. » Mademoiselle de la Charnay, par une seconde inspiration, s'écria en entraînant Monsieur de Vendôme. Nous avons tout le temps de causer. Il faut aller recevoir ces messieurs. Il faut les introduire dans la grande salle. Donnez-moi le bras, monsieur le vicomte. Venez avec moi en attendant que mon père se présente. » Le marquis fit quelque résistance pour retenir son ami, mais il céda à cette représentation que sa fille ne pouvait recevoir toute seule des officiers qu'elle ne connaissait pas. « À tout à l'heure, Vendôme, » dit le marquis. « Je vous suis. » « Ma fille, envoyez-moi Paulet. Je brûle d'être au milieu de vous. Qu'on retienne tout le monde à dîner. Appelez Hubert pour le service, et qu'on nous traite du mieux qu'on pourra. Qu'on demande chez Courlet pour avoir du gibier. Il doit rester quelques vieux vins. Jamais plus belle occasion de les boire. Je veux porter la santé du roi et de mes braves amis. » Le bonhomme était transporté. Il disait tout cela en criant et frappant le plancher de sa canne. Monsieur de Vandœuvre suivit mademoiselle de la Charnay qui sanglotait sans pouvoir lui dire une parole. Les gentilshommes étaient déjà réunis dans la grande salle, pâles, poudreux, balafrés pour la plupart, la tête ou les bras enveloppés de linge et de crêpes. Ils portaient encore leurs habits de campagne, qui n'étaient que de grosses vestes de paysans, ou des uniformes si délabrés qu'on n'y voyait plus trace de galons ni de revers. Monsieur le curé, qui venait de les rejoindre, leur expliquait la situation singulière du marquis, l'ignorance où sa fille l'avait tenue, et les engageait à garder le silence. Ce fut un grand étonnement parmi eux et une grande pitié. « Je le connais, » dit Monsieur de Grandchamp, « il n'a pas été possible de faire autrement. » À ce moment, mademoiselle de la Charnay entrait avec Monsieur de Vandœuvre. Elle parcourut d'un coup d'œil ses visages sinistres et se laissa tomber sur un siège en s'écriant. « Ah, sans doute, messieurs, mon frère est mort !» Elle se cacha le visage de son mouchoir, et les émotions qu'elle avait contenues l'accablant à la fois, il fallut la secourir. Pendant ce temps-là, on instruisait Monsieur de Vandœuvre de ces détails, qui étaient encore un mystère pour lui. Il comprit l'effroi qu'il avait dû causer à mademoiselle de la Charnay à son arrivée. Elle reprit sa vigueur et se leva aussitôt, son premier mot. « Messieurs, je sais vos malheurs. Ayez pitié de nous. N'en dites rien à mon père. Je vois maintenant tout l'embarras où je me suis jeté. »« Mais parlez, » dit Monsieur de Châteaumur. « Vous avez caché au marquis la mort de son fils ?»« La savais-je moi-même ?» dit mademoiselle de la Charnay avec des sanglots. Puis, s'adressant à Monsieur de Vandœuvre, elle s'écria dans une espèce d'irritation qui lui était fort étrangère. « J'ai fait plus encore. Vous connaissez la violence de mon père. Je lui ai caché nos malheurs. Les mauvaises nouvelles le désolaient. Les coups des républicains le frappaient au cœur. J'étais seul ici à le garder sans pouvoir le soulager, ou du moins verser mon sang comme nos braves gens pour retarder les désastres qui lui causaient tant de mal. Que faire? Les lettres de mon frère étaient effrayantes, et puis mon frère n'a plus écrit. Il était mort. Comment lui apprendre tout cela? Il n'eût pas résisté. Il dépendait de moi de le tromper. J'ai altéré, j'ai supposé des lettres. Cela est bien coupable. Mais mon père dormait tranquille. Je souffrais seul. Depuis l'affaire de Châtillon, il ignore tout ce qui s'est passé. Il croit l'armée triomphante, la reine et le roi délivrés. Messieurs, je vous en supplie, ne me trahissez pas au nom du ciel. » Elle tendait les bras à Monsieur de Châteaumur et s'adressait à chacun des gentilshommes. « Je l'ai cru fou, » dit Monsieur de Vandœuvre. « Il parle de Nantes comme si nous en étions les maîtres. Il croit que la Loire est à nous et que l'armée marche sur Paris. » « Mademoiselle de la Charnay, vous êtes un ange, » dit Monsieur du Retail en lui baisant la main. Ce Monsieur du Retail commandait les 15 ou 20 cavaliers qu'avait fournis la paroisse de Vauvert. Ces messieurs lui contèrent alors le véritable état des choses qui rendait plus pitoyables les illusions du marquis. Monsieur de Châteaumur lui dit « Le pays est sans défense, l'ennemi peut y pénétrer, il faut nous attendre à tout. »« Messieurs, » interrompit mademoiselle de la Charnay, « si notre situation vous inspire quelque pitié, reculons autant que possible. Mon père en mourrait, secondez-moi. »« Cela sera bien difficile, » dit Monsieur de Vandœuvre. « Où cela mènera-t-il ? » dit brusquement un vieux cavalier. « Il faudra bien, tôt ou tard, le détromper, » reprit un autre. Mademoiselle de la Charnay s'était redressée à ces paroles. Le curé l'appuya. « Nous avions justement à consulter le marquis, » dit Monsieur de Vandœuvre. Cependant, on fut de l'avis du curé. Mademoiselle de la Charnay ne répondait à rien, mais elle insistait en pleurant. Monsieur de Châteaumur lui-même fit voir le peu d'inconvénient qu'il y aurait après tout à laisser le marquis dans son ignorance. Mademoiselle de la Charnay leur donna en quelques mots ses instructions. On convint de ce qu'on aurait à répondre, mais surtout de se tenir sur la réserve de peur de contradiction. Comme il causait encore, la porte de la salle s'ouvrit à deux battants et le marquis parut, appuyé sur un domestique, dans son grand uniforme de capitaine, la croix de Saint-Louis sur la poitrine, l'épée au côté, la cocarde blanche au chapeau et sa grande canne à la main. Il n'avait pu résister plus longtemps à son impatience. Il porta la main au front et se découvrit. « Messieurs, puisque j'ai l'honneur de vous recevoir en de telles circonstances, et quelle envie que j'ai de vous embrasser et de vous entretenir de tout ce qui nous est cher, nous allons, s'il vous plaît, à la chapelle chanter un Te Deum en réjouissance de nos succès et de la prochaine délivrance de notre malheureux pays. » Monsieur de Châteaumur ne put s'empêcher de se jeter dans ses bras en se nommant. C'était un vieux camarade de garnison. Monsieur du Retail, appuyé sur son sabre, considérait le marquis, et une larme roula sur sa barbe grise qu'il avait laissé croître dans cette misérable campagne. Ces messieurs voulaient s'excuser de la cérémonie, mais le curé leur fit signe et le marquis ajouta quelques mots qui ne permirent pas d'insister. « Ma fille, dit-il à mademoiselle de la Charnay, donnez-moi votre bras. » On se mit en marche par une galerie intérieure qui menait à l'oratoire. Le marquis marchait le premier, gravement et la tête haute, à côté de monsieur de Vandœuvre. Derrière venaient les officiers, tristes et parlant en bas avec des signes de pitié. Les domestiques et quelques paysans suivaient. Le prêtre monta à l'autel. Les gens de la paroisse s'étaient agenouillés dans le fond, les cloches sonnaient au dehors, et à peine le prêtre avait-il entonné que le marquis reprit le verset d'une voix éclatante qui tremblait de joie et qui saisit les cœurs. L'hymne fini, il dit presque tout haut « Monsieur le curé, nous pouvons prier pour le roi. » Et dans un transport toujours croissant, il commença à pleine voix le chant du psalmiste « Domine salvum fac regem ». Tous les regards étaient fixés sur lui, et le prêtre, les gentilshommes, les paysans fondaient en larmes à la vue de ses cheveux blancs et de ce visage vénérable rayonnant d'enthousiasme qui semblait celui du roi prophète lui-même. Après la cérémonie, on reprit le chemin de la salle à manger avec la même solennité. On y avait dressé la grande table qui servait autrefois au repas de famille. Cette salle était d'une décoration sévère et ancienne, en forme de galerie, régulièrement percée de hautes fenêtres, revêtue de bois de chêne jusqu'à hauteur d'homme, avec un rang de stalles et le siège du maître au milieu, le dossier élevé et décoré de restes poudreux de panache. Les parois, noircies par le temps, étaient garnies de trophées de chasse. Les armes avaient disparu depuis le commencement de la guerre. Tout au fond, il y avait un grand crucifix de bois noir qui dominait l'assemblée. Mademoiselle de la Charnay, donnant ses ordres d'une voix altérée, s'occupait du repas comme en une circonstance ordinaire, et cette occupation semblait lui donner la force de se contenir. Si l'on a vu, dans une pauvre famille, quelques malheureux enfants demeurer seuls par la mort d'une mère chérie, distraite de sa douleur par les soins de la sépulture, aller, venir, pâle, les yeux gonflés, épuiser une sorte de courage dans ces horribles détails même, on peut imaginer à peu près la contenance de mademoiselle de la Charnay. Les gens qui servaient avaient les larmes aux yeux. « Messieurs, dit le marquis en entrant, je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasse toute l'armée royale en la personne de mon vieil ami et parent, monsieur de Vandœuvre. » Il le serra sur son cœur. Il se croyait au milieu d'un état-major complet du pays. « Quant à ceux d'entre vous, messieurs, que je n'ai pas l'honneur de connaître, reprit-il cordialement, il n'y a point de soldats de l'armée catholique qui soient étrangers à la table hospitalière des La Charnay. » On prit place. Les gentilshommes, rangés autour de la table avec leurs mines farouches, le désordre de leurs armes et de leurs habits composait une scène étrange et sinistre. On eût dit un conciliabule de ces brigands romanesques qui s'assemblent dans les vieux manoirs d'Allemagne. Ils gardaient le silence. Mademoiselle de la Charnay, qui montra dans cette circonstance un courage et une force d'esprit au-dessus de son âge et de son sexe, était obligée de les provoquer, de ranimer sans cesse la conversation afin que le marquis ne soupçonnât rien de leur contenance. Messieurs de Vandœuvre et de Châteaumur, qui la comprenaient, la secondaient de leur mieux. « Reprenons le discours, dit le marquis au bruit des verres. Quelle est la raison véritable de votre retour? Est-ce le mal du pays ou s'amuse-t-on à prendre des quartiers divers? » L'un et l'autre, dit monsieur de Vandœuvre en essayant une gaieté forcée. « Et que signifie ce répit? Je suis persuadé que Gaston n'est point revenu parce qu'il a deviné mon sentiment. » On regarda mademoiselle de la Charnay qui baissait ses yeux humides. « Au surplus, reprit le marquis, je n'entends rien et je n'en saurai probablement pas davantage si vous ne prenez la peine de me détailler vos opérations. » Les gentilshommes s'entre-regardèrent. Mademoiselle de la Charnay adressa un coup d'œil suppliant à monsieur de Vandœuvre. Monsieur de Vandœuvre prit la parole et la consultant du regard raconta en gros avec précaution ce qu'il supposait qu'on avait dit au marquis, sauf quelques contradictions qu'il se hâta de rectifier sur ses promptes réclamations. « Vous allez voir, interrompit le marquis, que je sais mieux les mouvements que les officiers qui les commandaient. Mais je sais fort bien aussi, ajouta-t-il en souriant, que cela est commun en campagne et que le soin des détails masque l'ensemble. « En effet, reprit monsieur de Vandœuvre, vous savez pour le moins aussi bien que moi la marche progressive de l'expédition. Quant aux plans ultérieurs, nous les ignorons. » Le conseil s'est recruté depuis peu de hauts personnages. Nous autres petits officiers, nous n'y avons point accès. Il faut se contenter d'obéir. C'est pourquoi, sans doute, on n'a fait aucun cas de mes avis, dit le marquis. Je m'y attendais. Il s'agit bien d'étiquettes dans les circonstances où nous sommes. C'est moi pourtant qui ai parlé le premier de marcher sur Nantes. Il m'en souvient, je le disais à monsieur de Granzet. N'est-ce pas vrai, monsieur de Granzet ? Il attendait la réponse, mais personne ne répondit. Monsieur de Granzet était mort à l'affaire du moulin aux chèvres. Les officiers consternèrent, se regardèrent. Monsieur de Granzet n'est-il pas là ? Reprit le marquis. Il était pressé d'affaires dans sa terre, il y est allé, dit monsieur de Vandœuvre. Il vous le dira à son retour, dit le marquis. J'avais proposé mon plan à Fontenay, mais alors nous étions loin de prévoir les victoires de Saumur, de Torfou, de Cholet. À ce propos, il faut que je vous félicite, monsieur de Thiors. Je sais comment vous vous êtes conduit à Cholet, et j'ai reconnu le brave camarade que j'avais l'honneur de commander à Thouars. Il y eut encore un profond silence. Monsieur de Thiors avait été tué à cette même bataille de Cholet, si funeste aux royalistes. Monsieur de Thiors, où êtes-vous ? Dit le marquis en tournant le visage çà et là comme cherchant des yeux. Ce regard éteint perça au cœur tous les assistants. Monsieur de Thiors est en commission avec un détachement, dit monsieur de Châteaumur. Que Dieu le conduise, dit le marquis. Nous boirons à sa santé, car ne vous dois-je pas, mes voisins et mes amis, pour le soulagement que vous m'avez donné dans ma solitude ? J'apprenais vos belles actions et mon cœur battait, pour ainsi dire, à chaque coup de canon. J'étais par la pensée au milieu de vous. J'étais avec mon fils à Coron. J'étais avec monsieur de Torchebœuf quand il enleva la redoute de Mortagne. Au cri « Tue les républicains !» Le marquis s'était animé. « Vous ne dites rien, monsieur de Torchebœuf. Il faut pour le coup que je vous embrasse. » Il se leva pour aller à lui avec cette lenteur incertaine des aveugles. Monsieur de Vandœuvre le retint sans savoir que dire. Un vieil officier, embarrassé de ce silence et de ses excuses, dit d'un ton brusque « Torchebœuf est mort ». Le marquis s'arrêta et fit le salut militaire. « Il est mort, honneur à lui !» Il se rassit et reprit un peu après. « En effet, je savais mieux que vous ce qui se passait là-bas, et j'aurais de quoi vous faire rougir tous de modestie. Buvons donc, messieurs, à la santé des braves, ces dernières bouteilles du meilleur vin qui me reste. Mais avant tout, messieurs !» Il se leva et haussant son verre. « À la santé de notre jeune roi, que le Seigneur qui l'a miraculeusement délivré lui donne victoire sur victoire et le porte de sa main puissante jusque sur le trône de ses ancêtres. Le roi est mort, vive le roi !» L'enthousiasme gagna les officiers. Ils choquèrent leurs verres en criant « Vive le roi !» Le marquis reprit « Que son auguste mère, entourée de Français fidèles, puisse à jamais oublier ses malheurs. »« Vive la reine !» s'écrièrent les officiers. Monsieur du Marga, le bras tendu, le verre à la main, cria encore une fois après les autres « Vive le roi !» Ce vin généreux l'avait échauffé, il avait les yeux humides, et tandis qu'il regardait fixement le marquis, une grosse larme tomba dans son verre. « Et maintenant, continua le marquis, buvons à ces illustres chefs que je voudrais serrer dans mes bras, à messieurs de Lescure, Bonchamp et Catelineau. » Or, Catelineau, Lescure et Bonchamp étaient morts. Les verres se choquèrent en silence. « À vous, Châteaumur, à vous, Thianges, à vous, messieurs de Rivarennes et de Montglas !» Messieurs de Rivarennes et de Montglas avaient été écrasés avec toutes leurs troupes à Nantes dans un retranchement. Monsieur de Châteaumur fut obligé de pousser les officiers immobiles à ce toast. « À vous encore, mon brave Crugy !» On fit encore silence autour de la table dégarnie. Crugy avait été pris par les Bleus et fusillé. « À vous tous, enfin, dont le bras était de quelque secours à mon roi !» s'écria le marquis dans son transport. « En cette qualité, messieurs, vous permettrez à un père de se souvenir, après les plus dignes, d'un fils bien-aimé qui y fait sa gloire !» Et il ajouta d'une voix fière et sonore « À Gaston de la Charnay !» Mademoiselle de la Charnay, déjà si pâle, pâlit encore en regardant son père. À ces derniers mots, les cœurs se fondirent, les larmes se firent passage et coulèrent de tous les yeux. On se remit ensuite à parler de la guerre, quoique ces messieurs fissent tous leurs efforts pour en écarter la conversation. Monsieur de Vandœuvre sentit la convenance de ne pas prolonger une scène si pénible à Mademoiselle de la Charnay, que tant d'émotions devaient accabler. Il en conféra tout bas avec monsieur de Châteaumur. On convint de prétexter, chacun de sa part, des affaires particulières, des commissions dans diverses paroisses pour se retirer au plus tôt. En ce moment, un domestique vint dire quelques mots à mademoiselle de la Charnay, qui avertit tout bas monsieur de Vandœuvre qu'un homme de l'armée venait d'arriver dans la cour et demandait à parler à ces messieurs. Cet homme, qui était des leurs et qu'on avait laissé pour mort aux environs de Saint-Florent, avait rencontré dans la déroute un gentilhomme des environs, M. de Vieuville, lequel l'avait chargé de rejoindre ses chefs et de répandre dans les châteaux, surtout à Vauvert, les nouvelles de la guerre. Ces nouvelles étaient épouvantables. Le passage de la Loire s'étant effectué le 16 novembre, les Bleus allaient envahir le pays laissé sans défense. Les terribles colonnes infernales, chacune de 1200 hommes, devaient partir de divers points et sillonner le bocage en tous sens, saccageant, brûlant, exterminant les hommes et les habitations. Le plan était déjà mis à exécution. Le paysan racontait des détails effroyables. On brûlait les bois, on pillait les fermes, on égorgeait les enfants et les femmes. Caché dans les genêts, il avait vu lui-même des choses horribles, et notamment des soldats ivres qui passaient après l'incendie d'un village avec des lambeaux de chair humaine à la pointe de leurs baïonnettes. M. de Vieuville mandait expressément qu'une de ces colonnes, qui marchait dans la direction de Vauvert, n'en devait plus être qu'à 3 journées. Déjà, ces nouvelles couraient et jetaient l'épouvante de village en village. M. de Vendôme fit appeler ses compagnons successivement, et après le premier moment de consternation, il fut décidé tout d'une voix qu'il fallait faire un dernier effort, courir au devant des Bleus et sauver le château ou périr. Ils dépêchèrent aussitôt, de concert avec M. de Vieuville, des gens de la maison dans les environs pour y réunir tout ce qu'ils trouveraient d'hommes en état de marché. On dit au marquis, déjà préparé pour ce départ, qu'un ordre subi rappelait les divisions, ce qu'il n'eut pas de peine à croire. Le soir, le tocsin sonnait dans les paroisses voisines. Les émissaires couraient de ferme en ferme, s'y jetant l'alarme, et tout ce qui restait de fermiers, de valets et de vieillards même devait se trouver réuni à la Croix-Bataille, à une demi-lieue de Vauvert. Les paysans qui avaient vu les horreurs de cette guerre juraient de se faire hacher sur les routes pour s'opposer aux Bleus. Des octogénaires, des femmes, des enfants, étouffant leurs pleurs, les accompagnèrent au rendez-vous. À Vauvert, les gentilshommes trouvèrent à grand-peine à changer leurs chevaux, qui étaient exténués. Quelques-uns partirent à pied avec les paysans. Ils n'eurent pas le courage de laisser voir à Mademoiselle de la Charnay tous les dangers de la situation. M. de Vendôme l'embrassa en pleurant dans un coin et lui dit seulement, en lui serrant les mains, qu'il fallait s'en remettre du tout à la Providence et que du moins Dieu n'oublierait pas qu'ils étaient morts à son service. Le marquis, croyant qu'il s'agissait d'une mesure victorieuse, embrassait les officiers avec une ardeur qui redoublait leur abattement. Il demanda qu'on ouvrît une fenêtre qui donnait sur la cour pour assister en quelque sorte à leur départ. Là, ils furent obligés de contenir les gémissements de quelques femmes du pays qui les entouraient. Comme ils allaient partir, ils virent encore à la fenêtre la tête blanchie du marquis qui leur faisait de la main des signes d'adieu et qui leur criait de revenir dans peu. M. de Vendôme lui répondit qu'il n'y manquerait pas, tandis que son domestique pleurait en serrant la sangle de son cheval. Le marquis cria une dernière fois « Vive le roi ! Vive le roi quand même !» lui répondirent les cavaliers en partant au galop. Mademoiselle de la Charnay en savait assez pour s'attendre au plus grand malheur. Elle prit ses précautions, fit enlever les images et les écussons sur les murs et dans les salles du château. Enfin, elle se concerta avec Paulet, le jardinier, pour se préparer un asile en cas de besoin dans une petite loge qu'il avait au bout du parc. Elle se procura également un habillement complet de paysan qu'elle mit en réserve pour le substituer dans l'occasion aux habits de son père qui étaient fort simples mais qui pouvaient encore réveiller les soupçons. Le lendemain de ce jour, le marquis était rayonnant de joie et de belle humeur. Le départ des gentilshommes lui avait échauffé la tête. Il ne parlait plus que d'aller rejoindre la reine et le conseil supérieur. Il se reprochait de n'avoir point suivi l'état-major. Pour la première fois, il demanda lui-même à s'aller promener dans le jardin. « Gaston ne vous a donc point écrit ?» dit-il. « Vous avez entendu, mon père, ce que vous disait hier, monsieur de Châteaumur. Son corps d'armée est séparé de ces messieurs, et il n'a pu les voir avant leur départ. Quant aux nouvelles, nous ne pouvions en avoir de plus fraîches. Il nous écrira bientôt, sans doute. »« D'où vient ?» dit le marquis en prenant une prise de tabac. « Que je n'ai point... Non, vraiment, je n'ai pas ma croix. » Mademoiselle de la Charnay l'avait détachée le matin même. « C'est moi, mon père, qui l'ai fait enlever, » reprit-elle, toute troublée. « Monsieur de Vendôme a paru surpris hier de vous l'avoir. Il m'a dit qu'on était convenu à l'armée de s'interdire les marques de distinction qui pouvaient choquer les paysans. C'est une très mauvaise idée qu'ils ont eue là. Et ces messieurs l'entendent fort mal. J'ai gagné ma croix, morbleu, et je n'empêche personne d'en faire autant. Je n'ai pas vu d'ailleurs qu'elle m'ait fait mépriser de mes gens appartenaient. » La promenade s'acheva gaiement. Le marquis sifflait au retour la marche des gardes françaises, ce qui ne lui était point arrivé depuis plus d'un an. Un nouvel embarras, comme on l'a vu, se présentait à mademoiselle de la Charnay. Son père était poursuivi par l'idée de porter l'hommage de son dévouement aux pieds de la reine et d'assister sur les lieux au triomphe de l'armée royaliste. Il épuisa toutes les objections. Le marquis, dans son erreur, croyant le pays libre, les combattait aisément. Elle essaya, pour l'amuser et gagner du temps, d'écrire de nouvelles lettres. Mais dans ces circonstances, ce rôle lui devenait insupportable, c'était pour elle un vrai supplice, et la plume lui tombait des mains. Elle était tentée à chaque instant de se jeter aux genoux de son père et de tout lui avouer. Les gentilshommes, en partant, avaient promis d'envoyer, jour par jour, des informations par des messagers. Ceux qui restaient de ces pauvres familles attendaient dans les transes le signal de leur ruine. On avait calculé, d'après la marche des colonnes ennemies, le moment où elle devait paraître si elle n'était point arrêtée. On croyait entendre de minute en minute la fusillade et l'horrible clameur des bleus se ruant dans les fermes. 4 jours s'étaient passés dans ces angoisses, car on savait que les hommes qui étaient partis ne devaient point aller loin, ni surtout tenter de rejoindre l'armée royale. Le 5e jour, encore rien de nouveau, on ne savait que penser. L'espérance commença de renaître, et les femmes qui s'étaient retirées dans les bois reprirent quelque confiance. Or, voici ce qui s'était passé. Les gens de Vauvert, dirigés par M. de Thianges, le plus vieux commandant, avaient rencontré, après 2 jours de marche, un détachement qu'on ne s'était pas donné la peine d'examiner et qui était peu considérable. Les paysans étaient si résolus qu'on ne put les retenir. Les bleus ne tinrent pas à la première charge, qui fut terrible. Ils furent écrasés, sauf quelques fuyards qui se replièrent, car ce détachement n'était que l'avant-garde de la colonne. Les Vendéens, ne s'en doutant point, excédés par les fatigues du combat et d'une longue marche, allaient s'arrêter et camper sur place, quand la colonne arriva, guidée par les fuyards. Les paysans sautèrent dans les haies et soutinrent pendant 8 heures l'effort de 1100 hommes. Ils n'étaient guère qu'une centaine après le premier combat. Les munitions leur manquèrent bientôt. On chargea les fusils avec de vieux boutons et des louis d'or qui restaient aux officiers. Les bleus, furieux, s'engagèrent dans les taillis. On se battit corps à corps. Les paysans furent égorgés l'un après l'autre. Messieurs de Châteaumur et de Vendeuvre, voyant tout perdu, se jetèrent à cheval dans les rangs des Républicains et tombèrent hachés en pièces. Monsieur de Thianges fut pris à 20 pas de là et percé de coups de baïonnette. Quelques hommes s'échappèrent, sautant de fossé en fossé, en tirant leurs dernières balles. L'un de ceux-là, Pierre Gourlet, arrive vers le milieu de la nuit à Vauvert, exténué, couvert de plaies, n'a que le temps de tout raconter et tombe à demi-mort. On fait courir la nouvelle, les femmes se réveillent, on frappe de porte en porte, toute la paroisse est bientôt en fuite. Paulet monte au château, réveille Jeanne, la fille de ferme, Colombe, la femme de chambre, qui couchait à l'entrée des appartements, et lui dit qu'il faut qu'il entre, et qu'il parle à mademoiselle, qu'il y va de la vie de ses maîtres. Mademoiselle de la Charnay couchait, en cas d'événement, dans une pièce qui précédait la chambre de son père. Depuis quelque temps, elle ne dormait plus, ou n'avait qu'un sommeil agité par de sombres imaginations. Il lui semblait chaque nuit voir arriver les hordes républicaines, le bruit de la cloche, l'aboiement d'un chien, les mugissements de l'étable, la réveillaient en sursaut et lui donnaient le frisson. Souvent glacée d'effroi et n'osant crier, elle allait trouver Colombe au milieu de la nuit et lui jetait les bras autour du cou, causant d'horribles frayeurs à la pauvre fille. Cette nuit-là, mademoiselle de la Charnay se débattait sous l'obsession d'un rêve affreux. Elle est réveillée à demi par le bruit d'une porte. Elle se dresse sur son séant, entend des voix troublées. Une lumière brille, un homme se précipite dans sa chambre. « Silence ! C'est moi, mademoiselle !» dit Colombe à demi-nue. Mais mademoiselle de la Charnay ne pouvait se remettre de son tremblement. Elle reconnut enfin Paulet le jardinier. « Mademoiselle, nous sommes perdus, nos gens sont morts, les bleus arrivent !»« Plus bas !» dit Colombe effrayée en montrant la porte du fond. Mademoiselle de la Charnay, pâle, engourdie, ne savait ce qu'on voulait lui dire. « Monsieur Vendeuvre est mort, » reprit Paulet. « Monsieur de Thianges est mort. Les bleus s'avancent pour nous tuer. Pierre les a vus. Il faut vous sauver, vous et monsieur le marquis. Il n'y a plus personne à Vauvert. Les bleus étaient hier à Clisson. Ils ont brûlé la frette. ils seront peut-être ici dans 2 heures. » Le pauvre homme bredouillait et disait tout pêle-mêle. Mademoiselle de la Charnay ne répondait pas. Colombe et le jardinier la pressaient, les larmes aux yeux. Elle s'écria enfin, « Que faire ? Oh mon Dieu, que voulez-vous que je fasse ? Il faut venir avec nous, nous avons de quoi vous retirer. Nous nous ferons tuer pour monsieur le marquis. » « Non, c'est impossible, » dit mademoiselle de la Charnay, égarée. « Je vous en prie, Paulette, ne me quittez pas. Oui, descendez, vous nous suivrez. » Elle s'est élevée. Elle allait et venait dans la chambre. Paulette redescendit à la hâte. « Laissez-moi, » dit-elle à Colombe, qui s'agitait autour d'elle. « Mon Dieu, je vais mourir assurément avant de quitter cette maison. Mon Dieu, donnez-moi la force. Allez m'attendre, Colombe. » La femme de chambre sortit. Mademoiselle de la Charnay se laissa tomber sur son lit. Elle sentait qu'il devenait impossible d'abuser plus longtemps son père. Elle était résolue à tout lui déclarer. L'idée de la scène qui allait suivre la jetait dans l'anéantissement. C'était la foudre dont elle allait le frapper tout à coup. Il pouvait la maudire, ou perdre la raison, ou se livrer au bleu. Elle se levait comme dans la fièvre en disant d'une voix brève et désespérée, « Oui, je lui dirai tout. » Elle alla jusqu'à la porte. Mais la pensée que son père dormait paisiblement et qu'elle allait lui porter ce coup dans un tel moment, l'embarras des premières paroles qu'elle devait dire, la firent encore fléchir. Elle demeurait sur le pied de son lit dans une sorte d'agonie. Colombe rentra doucement et, la voyant en cet état, courut à elle, la pressant, disant que tout était prêt, qu'il n'y avait pas une minute à perdre. Mademoiselle de la Charnay se redressa, animée d'une inspiration subite. « Où nous mène Paulet ? À la serre du parc. » Seul, il a tout arrangé pour que la route soit sûre. Essayons, à la volonté de Dieu. » Elle prit dans une armoire un paquet de hardes qu'elle ordonna à Colombe de porter chez le marquis à la place des vêtements qu'il avait quittés la veille. Elle se mit ensuite à genoux sur son prie-Dieu et y resta quelques instants. Elle rangea certains objets, choisit des papiers, ferma des coffres et entra chez son père. Le jour ne pointait pas encore. Monsieur de la Charnay dormait profondément. Elle le réveilla d'un ton doux et ferme. « Mon père, il faut partir. Monsieur de Sainte-Flève, qui n'a point suivi ces messieurs, envoie tout exprès vous demander si vous avez encore le désir de rejoindre l'armée. »« Oui, certes, » dit le marquis à demi réveillé. « Il faut donc nous mettre en route. Il nous attend jusqu'à ce soir. C'est à 8 lieues d'ici. » »« Puis, monsieur de La Frette est mort. Il a été tué ?»« Oui, mon père. » Le marquis se mit en son séant et joignit les mains. « Encore un, oh mon Dieu, que vous recevrez sans doute dans votre gloire !» Le temps pressait, et mademoiselle de la Charnay en sentait à présent le prix. Le moindre bruit au dehors la faisait défaillir. « Il est, ce me semble, un peu grand matin, » dit le marquis. « Il fait grand jour, » dit mademoiselle de la Charnay. Elle avait réponse à tout, elle avait tout préparé. Elle montrait tout à coup un calme, une force d'âme, une présence d'esprit, une habileté admirable. Elle trouvait à point les prétextes, les expédients. Elle alla jusqu'à expliquer qu'il était convenable de paraître en habit de deuil à cause des pertes de l'armée, et qu'elle n'avait pu s'en procurer que chez un des fermiers parce que monsieur le curé lui-même n'en avait point, que cette nouvelle était tout à fait imprévue, qu'il faudrait aller à pied, parce qu'on avait équipé des cavaliers avec tous les chevaux de la maison, et qu'on avait donné les bœufs à des métairies ruinées. Enfin, que si l'on trouvait monsieur de Saint-Flève parti, on rejoindrait l'armée comme on pourrait. Mademoiselle de la Charnay elle-même n'avait plus d'autre espoir que de se réunir à quelques débris des bandes vendéennes, où il serait plus en sûreté que dans une terre isolée et livrée à l'ennemi. Elle ajoutait des détails qui pouvaient servir de préparation sur l'état du pays, qu'il serait bon de prendre des précautions, que les Bleus avaient des espions et peut-être des bandes armées dans le bocage, à quoi le marquis disait d'un air de grande confiance « Oh, il n'oserait pas s'y frotter ». Elle dit aussi que Paulet et les chapuseurs, les bûcherons, les hébergeraient de leur mieux sur la route. « C'est bien fait, quant à vous, » dit le marquis. « Pour moi, je suis habitué au bivac. Mes infirmités m'ont amolli, mais je ne suis pas encore si vieux que je ne puisse m'y résigner fort bien. » Mademoiselle de la Charnay n'osait le presser davantage, quoiqu'elle s'attendît de minute en minute à entendre le cri des Bleus. Elle allait vers la fenêtre et prêtait l'oreille au bruit de la campagne. Elle demeura calme et résignée dans cette situation terrible et dit doucement à son père de s'habiller. Le marquis ne fit aucune difficulté, ses désirs aidèrent à le tromper aisément. Mademoiselle de la Charnay se retira dans l'autre pièce et se mit au balcon, pâle, palpitante, les yeux fixés au loin sur la cime des bois. Paulet montait de moment en moment, d'un air effaré, pour dire qu'on se hâta et qu'il n'y avait plus personne à Vauvert. Mais on ne pouvait se résoudre à inquiéter le marquis. Il s'écoula une demi-heure mortelle. « Nous mourrons ici, » dit mademoiselle de la Charnay, « si c'est la volonté de Dieu. » Elle avait donné l'ordre à toutes les personnes qui restaient dans le château de s'en aller. Ces braves gens avaient obéi à la dernière extrémité, et quand ils avaient su qu'ils ne pourraient suivre leur maître. En ce moment, Colombe arriva, les yeux gonflés de larmes, pour faire ses adieux. « Tu ne viens donc pas avec nous ?» dit mademoiselle de la Charnay. Les sanglots coupaient la parole à la pauvre enfant. « Où voulez-vous que j'aille, mademoiselle? Gratien est mort. Je n'ai plus que vous dans le monde, et je n'ai plus qu'une chose à faire pour votre service. Je veux garder votre maison. Une pauvre fille toute seule, ils n'oseront peut-être pas lui faire de mal, ni rien prendre. J'aurai soin de votre bien, et quand vous reviendrez, vous retrouverez... » Elles se jetèrent dans les bras l'une de l'autre. Paulet fut obligé de les séparer. Il prit Colombe par le milieu du corps et l'emporta. Il fut impossible de la décider à quitter le château. On entendit bientôt la voix du marquis. Il se plaignait que l'étoffe de ses habits était bien grossière. Il était complètement déguisé en paysan. Mademoiselle de la Charnay lui dit qu'en effet, c'étaient les habits de Hubert, qui avait perdu sa mère l'an passé, et qu'on était encore trop heureux, dans la misère du pays, d'avoir pu se les procurer. Avant de partir, elle ajouta au bijou qu'elle emportait 25 louis, qui était tout l'argent qui restait au château. Enfin, elle avertit Paulet, qui marcha devant eux en silence. Les gens de Vauvert avaient voulu emmener le marquis au milieu d'eux, mais mademoiselle de la Charnay avait défendu qu'on l'approchât, de peur qu'une imprudence éveillât ses soupçons. Ces bonnes gens, d'ailleurs, ne pouvaient lui offrir des ressources meilleures que celles qu'elle avait concertées avec le jardinier. On descendit dans le jardin qui menait au parc, mais on passa derrière une haie qui côtoyait la grande avenue. Paulet, comme il était convenu, les accompagna près d'un grand quart de lieue. Après quoi, mademoiselle de la Charnay le supplia de rejoindre sa femme et ses enfants, qu'il avait dépêchés avec d'autres femmes de la paroisse. Elle ajouta, pour l'y décider, qu'elle savait son chemin jusqu'à la serre du bois. C'était une masure qui avait servi autrefois de rendez-vous de chasse. Paulet s'en alla lestement par un sentier détourné. Les chemins qu'il suivait à travers des terrains inégaux couverts de bois et d'ajoncs, coupés de marais, étaient véritablement inextricables pour des gens étrangers au pays. Même mademoiselle de la Charnay avait passé sa vie dans ces campagnes, et les avait souvent parcourues à cheval avec son frère. La saison où l'on était ajoutait aux difficultés de la route. Le bois mort et les feuilles sèches avaient effacé les chemins frayés. Les eaux de pluie amassées inondaient les bas-fonds. Certains passages, profondément encaissés, n'étaient plus que le lit d'un torrent qui entraînait les terres délayées, laissant à peine çà et là un rebord praticable. Souvent une vaste mare, un vrai lac à demi glacé, comblant le ravin, arrêtait tout net les voyageurs et les forçait de se détourner au milieu des halliers. Le ciel était brumeux, une bise humide et froide sifflait à travers le bois sec. Des troupes de fuyards, tant de Vauvert que des paroisses voisines, des femmes, leurs enfants sur le dos, des vieillards se traînant à peine, un bâton à la main, le fusil en bandoulière, sillonnait le pays en tous sens. On s'épouvantait les uns les autres quand on venait à se rencontrer, et chaque troupe se croyait en face des bleus. Souvent on tombait au tournant d'une haie, au milieu d'une famille entière qui s'arrêtait au bruit des pas. Mademoiselle de la Charnay se sentait défaillir, et quand elle avait trouvé la force de dire au marquis quels gens c'étaient, le marquis, grave et tranquille, se mettait à crier « C'est toi, un tel ! C'est donc aujourd'hui marcher au bœuf ?» Mademoiselle de la Charnay regardait ces bonnes gens en mettant un doigt sur la bouche. « Oui, monsieur le marquis, » répondait le fermier bailli, et tous se découvraient et les regardaient passer avec pitié et respect. D'autres fois, c'était un homme qui se glissait dans les buissons à leur approche en froissant les branches. « Quel est ce bruit ?» demandait le marquis. « Quelque daim effarouché qui gagne son gîte, » répondait mademoiselle de la Charnay, plus morte que vive. Et puis elle essayait de glisser dans la conversation certaines conjectures qui pouvaient préparer le marquis à ne trouver ni M. de Saint-Flève, ni sa maison à la fin du jour. Il leur arriva plusieurs fois d'échapper à la mort comme par miracle, passant à chaque instant au bout du fusil de quelques paysans guettant les bleus à l'affût. Mademoiselle de la Charnay faisait un signe, et l'homme, abattant son arme, ôtait son chapeau. À un certain moment, le marquis s'arrêta, prêtant l'oreille dans le silence des bois, où criaient à peine quelques feuilles. « Qu'est-ce que cela, ma fille ? N'entendez-vous pas le tambour ?» Ils s'arrêtèrent. « Je n'entends rien, » dit mademoiselle de la Charnay. « Écoutez bien, c'est comme le bruit du tambour. » « J'entends, mais vous savez que le moulin de Châtelaine est de ce côté. Cela est fort possible, j'ai toujours le tambour dans l'oreille. » Ils se remirent à marcher. Un peu après, on entendit comme le bruit d'une fusillade éloignée. « Je vous jure, mon enfant, que j'entends la mousqueterie. Comment cela se pourrait-il ? » dit mademoiselle de la Charnay en laissant tomber ses bras le long de son corps. « Laissez-moi faire, » reprit le marquis. Il se mit à genoux et porta son oreille contre terre. « C'est une fusillade. » Et des mieux nourris. Le bruit cesse. Il reprend. À moins, dit mademoiselle de la Charnay, qu'il n'y ait quelque noce dans les environs, ou que les garçons ne s'exercent au tir. Il faut que ce soit cela, un exercice militaire commandé par ces messieurs. Je le conseillais, depuis longtemps. Et il n'est pas possible que l'ennemi... Nous saurions quelque chose. Il reprit sa marche d'un air convaincu. Mademoiselle de la Charnay tremblait et doublait le pas. « Vous me faites marcher bien vite, » dit le marquis en souriant. Mademoiselle de la Charnay saisit cette occasion de déclarer qu'il ne fallait plus songer à gagner le terme du voyage. Elle fit valoir le mauvais état des chemins qui leur permettait à peine d'arriver au lieu où Paulet les devait attendre. Cette triste journée fut bien longue. Paulet parut enfin à quelques pas de la masure qu'il avait préparée à la hâte pour recevoir le marquis. Son premier mot fut qu'il fallait y passer la nuit, comme il avait été convenu avec mademoiselle de la Charnay et que monsieur de Saint-Flève était déjà parti. Le marquis, fatigué et assez mécontent, demanda aussitôt du feu pour sécher ses pieds. Mais Paulet, qui savait la guerre, avertit mademoiselle de la Charnay que la fumée traversait les caches et attirait les patrouilles. Il s'excusa tout haut, comme il put, sur ce qu'il n'avait rien de ce qu'il fallait. Ils se consultèrent ensuite, lui et mademoiselle de la Charnay, tandis que le marquis s'arrangeait pour dormir. Mademoiselle de la Charnay, épuisée par les émotions de la route et se voyant dans cet abandon, se mit à fondre en larmes. Paulet en était grandement ému de pitié. Il lui dit qu'on venait d'établir un refuge à peu de distance et qu'il les y conduirait le lendemain en prenant toutes les précautions convenables, que la contrée, fouillée en tous sens, était à feu et à sang, que les bleus étaient sans doute à Beauvert et qu'elle serait du moins plus rassurée au milieu de ses paysans. Il sortit en ajoutant qu'il reviendrait les prendre au point du jour. Le lendemain, on annonça au marquis qu'on allait se mettre en route comme on pourrait, pour rejoindre l'armée, en lui faisant espérer qu'on trouverait plus tard quelques montures, quelques voitures à bœufs. « Assurément, » dit-il avec gaieté, « si l'on sait que j'ai fait à pied ces 40 lieues, l'armée me sera gré de ce pèlerinage. » On partit. Paulet frayait le passage, une hache à la main, abattant les branches et maugréant des mauvais chemins qu'il fallait prendre. On arriva au refuge 3 ou 4 heures après la tombée de la nuit. Paulet prit les devants pour répondre au qui-vive des paysans et les prévenir, puis il revint chercher les voyageurs avec un flambeau de résine. Ces refuges étaient des habitations établies au cœur de bois épais et faits de piquets et de palissades. Les troncs d'arbres servaient de colonnes et les branches de toits. Des charrettes acculées et tendues de toile abritaient toute une famille. Des villages entiers se sauvèrent ainsi dans cette terrible guerre. On a retrouvé de ces refuges qui étaient devenus de véritables villes, où l'on voyait des vestiges de places et de rues tracées parmi les arbres. On mit le marquis dans une hutte un peu écartée, et Paulet, avant de s'en aller, promit à mademoiselle de la Charnay qu'il viendrait le lendemain avant le jour lui donner des nouvelles et lui dire s'il avait trouvé un asile plus sûr ou s'il y avait quelque moyen de gagner Bressuire. Mademoiselle de la Charnay ne put se reposer un instant au milieu de cette population éplorée. Sur le minuit, il y eut quelque alarme. De hardis paysans, qui se glissaient jusqu'aux avant-postes des Bleus, vinrent annoncer que les Républicains, guidés par un traître, devaient s'avancer vers leur refuge. On tint conseil, et l'on décida que dans tous les cas il fallait se disperser dans les environs, quitte à revenir si ce n'était là qu'une fausse alerte. 2 heures après, un paysan placé en sentinelle accourut et avertit qu'on n'avait que le temps de s'enfuir et qu'un fort détachement marchait dans la direction du bois. Cette nouvelle jeta partout le trouble et l'épouvante. Déjà beaucoup de monde s'était enfui. Les mères, dans un morne désespoir, serraient leurs enfants endormis sur leur sein. On attachait les bestiaux aux palissades. Mademoiselle de la Charnay, dans ce désordre, ne savait plus que devenir. Paulet lui avait expressément recommandé de l'attendre, et Paulet n'arrivait pas. Elle ne savait à qui demander assistance parmi ces gens égarés, où chacun avait trop à craindre pour s'occuper des autres, où le rang, l'âge et le sexe étaient méconnus, où il eût fallu se sacrifier pour traiter avec les égards convenables un pauvre aveugle comme le marquis. Heureusement, celui-ci, accablé de fatigue, dormait profondément. Abandonné, voyant tout le monde se disperser çà et là, ne sachant plus sa route, incertaine si, de part ou d'autre, elle ne tomberait pas au milieu des bleus, elle voulut obstinément attendre la mort et s'accroupit comme folle au pied d'un arbre, en dehors de l'abri souterrain où dormait son père. Un paysan armé, qui remarqua des vêtements blancs, lui demanda ce qu'elle faisait là. « J'attends Paulet de Vauvert. » Cet homme lui dit que Paulet venait d'être pris et sans doute fusillé. « On nous tuera donc à cette place, mon père et moi, » dit-elle en baissant la tête. Le jour pointait, on entendit des coups de fusil assez rapprochés, et l'on vint dire qu'on avait mis le feu en plusieurs endroits du bois. Le trouble s'accrut, on se mit à courir. Des hommes prenaient les vieillards sur leurs épaules, il n'en restait presque plus personne. Mademoiselle de la Charnay ne bougeait point. Le même paysan qui lui avait parlé la souleva par-dessous les bras pour la forcer à fuir. Elle se leva, réveilla son père et la mena dans le premier chemin qui s'offrit à elle. Le bois était désert, on n'entendait plus rien. Le marquis fit des questions, sa fille lui dit qu'ils avaient couru des dangers. Il se moqua de ses frayeurs et lui reprocha, en riant, de n'être point de la famille. Il se plaignit ensuite de la fatigue. Elle n'y put tenir plus longtemps et fondit en larmes sans pouvoir se contraindre. Le marquis l'entendit sangloter et se méprenant au sujet de ses pleurs, il se récria aussitôt « Ah, ma pauvre enfant, j'ai le courage de me plaindre et je ne songe point que c'est vous qui souffrez le plus. Vous devez avoir bien mal dormi cette nuit et voilà des journées bien au-dessus de vos forces. Courage, ma fille, nous trouverons enfin quelques chariots dans ce maudit pays et une fois à Bressuire, nous sommes hors de peine. » Elle saisit cette occasion de lui dire qu'ils étaient obligés de faire de grands circuits, et elle eut encore le courage de colorer et de dire tout ce qui pouvait s'entrange au vieillard. Mais le moindre bruit, la chute d'une feuille, le vol d'un courlis, le cri d'un jet, lui coupaient la parole et la faisaient transir d'épouvante. Ils arrivèrent sous la lisière du bois, où il y avait un chemin assez large, profondément sillonné par les charrettes. Mais craignant d'y être trop en vue, Mademoiselle de la Charnay prit un sentier qui le longeait derrière une haie et que les piétons avaient pratiqué durant les temps d'hiver où le grand chemin était inondé. Mademoiselle de la Charnay était fort affaiblie. Outre l'accablement des marches, des veilles et de ses mortelles frayeurs, elle n'avait rien mangé depuis 24 heures parce qu'elle donnait à son père le peu de vivres qu'elle avait pu se procurer. Elle n'avait pas senti d'abord ce besoin dans l'état de fièvre où elle était, mais ses forces étaient vaincues. Elle avait les pieds enflés et tout le corps endolori. Son père, malgré ses efforts, l'accablait encore en s'appuyant sur son bras. Elle tomba dans une extrême défaillance et vit le moment où elle ne pourrait plus marcher. Elle se souvint qu'il lui restait un peu de pain de la veille qui pourrait la soutenir. Il y en avait moins qu'elle ne pensait et ce n'était qu'une méchante croûte de pain noir. Elle demanda donc à son père s'il avait faim. Le marquis dit qu'il mangerait volontiers et qu'il avait même grand appétit. Elle répondit qu'elle n'avait que très peu de choses et que, pour elle, elle pouvait attendre qu'ils eussent trouvé mieux, et elle lui donna le morceau de pain tout entier. Pour comble de misère, une pluie drue et froide commença de tomber. Déjà vêtue assez légèrement pour la saison, Mademoiselle de la Charnay en était toute percée. Elle avait laissé son mantelet au refuge dans le trouble du départ. De plus, l'inquiétude la gagnait sur l'issue du chemin qu'ils avaient pris. Elle regardait au loin ces taillis impénétrables qui en couvraient les détours. Elle se demandait s'il ne valait pas mieux se réfugier sous ces arbres et attendre qu'une bonne âme passât. Tout à coup, elle s'arrêta sans pouls et sans haleine. Le marquis s'était arrêté comme elle. « N'entendez-vous rien, ma fille ?» Elle ne put répondre. « J'entends les pas d'une troupe. » C'était le bruit de la pluie dans les feuilles. Elle entendait distinctement, dans le chemin dont la haie la séparait, un bruit de pas accéléré comme ceux de soldats en marche. Il s'y joignait un cliquetis d'armes et de harnais militaires. « Ma fille !» s'écria le marquis. « Ce sont des troupes, écoutez !» Mademoiselle de la Charnay, tremblante, ne songeait pas même à trouver une parole. Les pas approchaient. Ce sont de nos gens. Je saurai qui c'est. Ils nous tireront d'embarras. » Il fit un mouvement pour aller de ce côté. Sa fille lui saisit la main. « Au nom du ciel, mon père, n'en faites rien. Vous savez que les Bleus... Alors donc, ils viendraient sans façon en promenade dans le pays insurgé ?» Les premiers hommes du détachement défilaient de l'autre côté. « mon père !» dit mademoiselle de la Charnay en arrêtant le marquis. « Mais quoi donc ? J'ai peur. Vous êtes folle !» Et, comme il allait élever la voix, elle ne put que se jeter à son cou et lui mettre la main sur la bouche en disant d'une voix étouffée « Silence, silence !» Le marquis, tout étourdi, céda à cette violence. Le bruit que faisaient les soldats entre eux fit qu'ils ne s'aperçurent de rien. Ils s'éloignèrent. Le marquis, croyant qu'il ne s'agissait que d'une frayeur déraisonnable de jeune fille, se fâcha et soutint son dire. Mademoiselle de la Charnay, le péril passé, s'excusa de son mieux. Cependant, quoiqu'il ne se plaignît pas, le marquis était visiblement excédé de besoin et de lassitude. Il s'inquiétait de cette course interminable. Il demanda plusieurs fois si l'on n'arriverait pas bientôt. Mademoiselle de la Charnay avoua qu'elle se croyait égarée. Le marquis disait entre ses dents « Ce drôle de Paulet ne pouvait-il rester avec nous, au lieu de s'en aller courir, je ne sais où ?» De temps en temps, il s'arrêtait. Le marquis donnait ses indications, qui demeuraient fort inutiles, puisqu'il n'était point où il croyait être. L'incertitude et les angoisses de mademoiselle de la Charnay redoublaient par la crainte du danger qu'il venait de courir. Elle se recommanda à Dieu et entraîna son père dans un faux fuyant, au bout duquel on voyait un jour à travers les branches qui le couvraient en voûte. Elle entrevit, en s'approchant de l'issue, une espèce de clairière formée par un de ces embranchements de plusieurs routes qu'on appelle « pas de doigt ». Il venait de passer à peine les derniers arbres, quand un éclat de voix fit retourner mademoiselle de la Charnay. « Qui vive ?» cria une sentinelle. « Ami !» répondit le marquis. Il y avait en cet endroit une escouade de bleus au repos, les armes en faisceau. Quelques-uns prirent leurs fusils, les autres se levèrent au bruit. Le marquis se mit à crier. « Messieurs, vous êtes nombreux à ce qu'il me semble. Si vous avez parmi vous quelque chef, faites-moi la grâce de l'appeler. » Mademoiselle de la Charnay suivait son père sans un mouvement, sans le retenir, comme s'il marchait à la mort. Une voix appela le capitaine Mainvielle, les soldats s'avancèrent et l'officier le premier. « Quelle paroisse ? » disait le marquis. « Y a-t-il là quelqu'un de Vauvert ? Où va-t-on ? Qu'y a-t-il de nouveau ? Si vous rejoignez l'armée, nous y allons aussi. » Dans l'étonnement où étaient les militaires, une illumination soudaine traversa l'esprit de mademoiselle de la Charnay. Elle portant la main à son front, signifiant que cet homme n'avait plus sa tête, et lui tenant le bras, elle fit des épaules un mouvement plein de compassion. L'officier releva les baïonnettes de la main. « Laissez passer ce pauvre homme qui est aveugle, » dit-il à voix basse. Mademoiselle de la Charnay regarda cet officier d'un air de reconnaissance inexprimable. Le visage de cet homme et le nom qu'elle avait entendu lui rappelèrent dans son trouble un souvenir confus. « C'est donc un vieux fou, » dit un soldat. Le marquis se retourna, surpris et menaçant. Mademoiselle de la Charnay l'entraîna doucement en lui disant que ces hommes-là étaient étrangers et en essayant de le calmer par tout ce qu'elle put imaginer. Mais sa constance, sa fermeté, son dévouement étaient à bout. Cette dernière secousse l'avait accablée. Elle avait hâté le pas pour s'éloigner des soldats. Elle ne se soutenait plus que par une espèce de fièvre qu'entretenait le désordre et l'horreur de ses idées. Elle avait pu juger que tous les éliverons étaient envahis, et que dans l'ignorance où elle était des chemins, elle n'avait échappé à des périls que pour tomber en de plus grands. La nuit venait. Elle ne voyait de toutes parts que l'ennemi et la mort. Cette pensée, qu'elle ne savait pas où elle allait, lui revenait toujours. Elle jeta les yeux çà et là, et crut reconnaître une avenue des alentours de Vauvert. En effet, après un long circuit, elle s'était sans cesse égarée et n'avait fait, au lieu de s'en écarter, que revenir au château, c'est-à-dire parmi les Bleus. Un frisson lui courut par tout le corps, elle douta un moment. Mais à un certain endroit, elle découvrit, par une échancrure du feuillage, le fait de la maison seigneuriale. Ce fut le dernier coup. Elle voulut se jeter aux pieds de son père et lui crier qu'ils étaient perdus. Elle tomba sur les genoux, elle allait parler, quand un froissement dans les herbes et des pas précipités qui s'approchaient achevèrent de lui ôter la force. Elle distingua une forme humaine dans le taillis. Un éblouissement l'aveugla, elle ne put que pousser un cri. « Oh là ! » s'écria le marquis. Personne ne viendra-t-il au secours de mon enfant ?» Un homme parut. « C'est vous, mademoiselle ?»« C'est moi, c'est Paulet, n'ayez pas peur. »« Que le diable t'emporte !» dit le marquis. Mademoiselle de la Charnay était évanouie. On s'occupa de lui donner des soins. Paulet avait de l'eau-de-vie dans une gourde. Il lui en mouilla les tempes et les lèvres. Elle rouvrit les yeux. Il lui fit manger une bouchée de pain et s'en s'occupait à répondre au marquis. « Allons, courage !»« Courage ! À quelques pas d'ici, nous serons tranquilles. Il y a bien longtemps que je vous cherche. » Il les prit chacun par un bras et les entraîna du côté par où il était venu. Ils arrivèrent à une hutte de chapuseurs, une de ces cases où le paysan du bocage se retire dans les loisirs de l'hiver pour chapuser, c'est-à-dire équarrir du bois et façonner ses outils aratoires. C'était une cabane creusée à demi dans la terre, dont le toit fait de branchages, était presque au niveau du sol et se confondait à s'y tromper avec des tas de fagots amoncelés de tous côtés. On distinguait parfaitement de cet endroit tous les bâtiments de Vauvert, et l'on était pour ainsi dire au pied des murs. Mais Paulet insinua à mademoiselle de la Charnay que cette cache était la meilleure, parce qu'on ne songerait pas à les chercher si près du château. Puis, la tirant à part, comme elle lui disait qu'elle l'avait cru mort, il lui raconta ce qui lui était arrivé. Il avait été pris, en effet, par un détachement dont l'officier lui avait sauvé la vie, et cet officier n'était autre que le frère de Mainvielle, l'ancien valet de chambre de monsieur le marquis. Ce capitaine Mainvielle s'était informé de la famille de monsieur de la Charnay, se montrant très empressé de la secourir, et c'était lui-même qui les avait laissés passer dans le bois de l'Ermitage, au risque de se compromettre vis-à-vis de ses supérieurs. Enfin, le brave militaire, après l'avoir arraché à la fusillade, lui, Paulet, l'avait pris en apparence pour servir de guide et d'espion à sa compagnie, mais en réalité pour se concerter avec lui sur les moyens d'être utile à son ancien capitaine, monsieur de la Charnay, dont il savait tous les malheurs. Paulet dit aussi que tout allait assez bien, et qu'il fallait encore user des plus grandes précautions, parce que le capitaine Mainvielle lui-même ne pouvait les secourir qu'en se cachant et risquer sa vie pour eux. Il ajouta qu'il reviendrait dans peu les avertir de ce qui se passerait et s'en alla en leur laissant du pain qu'il avait sur lui. L'intérieur de la masure était assez spacieux et divisé en deux pièces. On y voyait encore les meubles et les ustensiles des gens qui l'avaient habité. Le marquis, après avoir mangé, se coucha sur une espèce de grabat posé sur des piquets. On lui avait fait entendre qu'on s'était tout à fait égaré. Mademoiselle de la Charnay, n'osant lui dire qu'il n'y avait qu'un lit, veillait, prêtant l'oreille et tressaillant aux cris des oiseaux de nuit. Au point du jour, elle entendit des roulements de tambours dans le lointain. La pluie tombait encore. Paulet revint les trouver en rampant dans les broussailles. Il en avait les mains toutes déchirées. Il apprit à mademoiselle de la Charnay que les Bleus, ayant dévasté tout à Vauvert, ne pouvaient manquer de l'abandonner bientôt, qu'il avait été question de mettre le feu au château avant de partir, mais qu'il fallait espérer qu'on y renoncerait. « Et Colombe ?» demanda mademoiselle de la Charnay. « Ah, mademoiselle, il n'y faut plus penser, elle est au ciel comme bien d'autres. » Mademoiselle de la Charnay joignit les mains en baissant la tête sans pleurer. Elle n'avait plus de larmes. Elle demanda ensuite si l'on savait quelque chose de l'armée vendéenne. Paulet répondit que non, et que sans doute elle était détruite, et lui apprit de plus cette effroyable nouvelle, que la reine avait péri sur l'échafaud comme le roi, que le sang coulait toujours par toute la France, et que la terreur était à son comble. Mademoiselle de la Charnay écoutait d'un air stupide, avec des frissons nerveux, elle était pâle comme une morte. Cet entretien avait lieu à l'entrée de cette espèce de tanière, et le vent du matin semblait la faire tant souffrir que Paulet, en s'en allant, lui jeta sur les épaules une manière de couverture en peau de bique dans laquelle il couchait sur la terre. Avant de partir, il lui montra, comme pour la consoler, six cocardes tricolores qu'il serrait dans sa ceinture. « Ce sont ceux que j'ai abattus depuis hier. » Et comme mademoiselle de la Charnay, épouvantée, lui reprochait de trahir les Bleus, cet homme lui dit avec un calme farouche « Allons donc, mademoiselle, est-ce qu'il n'y a ni foi ni loi avec ceux-là qui ont éventré mes pauvres petits et ma femme, qui est morte en les suppliant ? Hier, ils avaient promis de faire grâce aux gens de la frette, et ils les ont taillés en morceaux. » Mademoiselle de la Charnay détourna la tête et revint auprès de son père. Le voyant sommeiller doucement, elle se jeta à genoux et puisa quelque courage dans une prière fervente. Elle pensa, comme Paulet le lui avait dit, que les Bleus quitteraient le pays quand il n'y aurait plus rien à ravager, et qu'elle pourrait mettre son père en sûreté, ou rejoindre avec lui les débris de l'armée. Le tambour battait encore. Le marquis se réveilla et demanda ce que c'était. Elle répondit que c'était sans doute la troupe qu'ils avaient rencontrée la veille. Ils déjeunèrent ensuite avec leur pain noir. Elle fit entendre à son père qu'il était impossible de trouver autre chose chez les bons campagnards qui les avaient reçus. « Mais comment se fait-il ? » reprit tout à coup le marquis. « Qu'entouré de nos paysans, je ne sache rien de ce qui se passe. » Elle reprit que ces gens-là ne savaient rien eux-mêmes, et que, le théâtre de la guerre étant au-delà de la Loire, les communications étaient fort difficiles. « Où sommes-nous, enfin ? » elle répondit en balbutiant qu'elle l'ignorait elle-même. « Je ne sais comment nous vivons, ni ce que nous faisons, » dit le marquis d'un ton sévère. « Vous ne me cachez rien, je pense, mademoiselle de la Charnay. » Depuis longtemps, les facultés du marquis s'étaient visiblement affaiblies. L'âge, les infirmités, l'erreur où on le tenait, l'avaient mis dans une dépendance puérile à laquelle mademoiselle de la Charnay s'était accoutumée. Ce réveil menaçant la confondit. « On n'a pris aucune précaution, je suppose, » reprit le marquis, « et nous n'aurons plus de nouvelles de mon fils. » Or, mademoiselle de la Charnay avait sur elle la dernière lettre supposée qu'elle avait écrite la veille du départ. Elle répliqua que Paulet lui avait remis des papiers. « Que ne les lisez-vous donc ? » dit brusquement le marquis. Elle jugea qu'il fallait encore faire cet effort, qui serait le dernier peut-être. Elle s'approcha d'une ouverture qui laissait pénétrer un rayon de lumière, et lut ceci d'une voix altérée. « On a repris les hostilités depuis le 15. Le moment a été jugé favorable à cause des divisions de la Convention et des succès des alliés. L'Espagne a cessé les négociations, la guerre se rallume de toutes parts. « Dieu soit loué !» interrompit le marquis. « Point d'accommodement avec ces monstres !» Le corps d'armée des généraux Kléber et Marceau, battu à Laval, s'est reformé à Entrain. Nous marchons sur Granville. « Que diable vont-ils faire à Granville ? » dit-il encore. Mademoiselle de la Charnay avait disposé cette lettre d'après les rumeurs vagues qui couraient sur l'expédition d'Outre-Loire. Elle reprit « Cette marche a été décidée sur l'assurance des secours de la flotte anglaise. La reine d'ailleurs l'a approuvée en plein conseil. » À ce mot, mademoiselle de la Charnay, qui venait d'apprendre le supplice de Marie-Antoinette, s'arrêta suffoquée et leva les yeux au ciel comme pour demander pardon à cette ombre auguste. « La reine ? » dit le marquis. « J'y vois à peine, » reprit mademoiselle de la Charnay d'un ton ferme. La reine, au moment du départ, a passé dans nos rangs son fils dans ses bras, et nous avons tous juré de mourir ou de la rétablir sur son trône. « Ah, malheureux !» s'écria le marquis. « Que ne puis-je mourir aussi après avoir vu cette scène ? Oui, madame, vive le roi, votre auguste fils !» Mademoiselle de la Charnay profita de cet instant pour reprendre haleine. « On s'est mis en route aussitôt. » Une détonation épouvantable, au milieu d'un bruit de mousqueterie, ébranla tout à coup les profondeurs du bois. Mademoiselle de la Charnay, terrifiée, regarda par la lucarne et vit dans la direction du château un nuage de fumée et les lueurs d'un vaste incendie. Un moment après, la flamme s'éleva. « Qu'arrive-t-il ? » répétait le marquis. Mademoiselle de la Charnay monta sur le rebord d'une charpente et leva la tête hors du toit. Elle vit tout le château de Vauvert en feu. Les combles s'effondraient, les tours s'écroulaient, les soldats couraient de fenêtre en fenêtre, pillant et jetant du linge et des meubles. Elle ne pouvait détacher ses yeux de cet horrible spectacle et ne répondait rien à son père. Mais bientôt le sang de la noble race qui avait vécu sous ce toit vénérable s'indigna dans les veines de cette jeune fille. Tout l'esprit de la famille se ralluma pour un instant en elle seule. Elle faillit s'écrier « Mon père, on brûle votre maison !» et le traînait avec elle sous les décombres. Elle retomba sur le banc en disant « Mon père, ce bruit me fait grand-peur. » Le marquis, distrait de sa curiosité, s'efforça de la rassurer et finit par dire que Paulet saurait sans doute la cause de ce qu'ils avaient entendu. Un peu après, il revint à ses idées dominantes. « Toujours les Anglais, vous verrez comme ils s'en tireront. Une partie gagnée. Nous n'en avions pas pour 3 mois à prendre Paris. « Continuez, je vous prie. » Mademoiselle de la Charnay ramassa le papier. « Notre artillerie s'est enrichie de nos prises. Un corps de Bretons vient de nous rejoindre, ce qui nous fait en somme un renfort considérable d'hommes et de munitions. Nous comptons en outre trouver de nouvelles forces dans chaque département. Dieu vous garde et vive le roi. »« Vive le roi !» répéta le marquis avec enthousiasme. Ma fille, écoutez-moi, faisons diligence, je vous en prie. Je ne mourrai pas inutilement, j'en suis sûr. Je veux qu'on attache mon cheval à celui de mon fils et qu'il me mène au milieu d'un bataillon ennemi. » Il se mit à chantonner entre ses dents la vieille marche du régiment de Flandre. Mademoiselle de la Charnay, regardant toujours la fumée que le vent chassait au-dessus des arbres, épiait des bruits sinistres. Le tambour s'approchait en divers sens. Elle entendit des cris au loin, puis des pas tout proches, puis un mouvement dans la ramée. Elle se couvrit le visage de son mouchoir. Un coup de poing fit sauter le volet qui fermait l'entrée. C'était Paulet. Il saisit Mademoiselle de la Charnay par le bras, l'attira sur le seuil et lui dit tout essoufflé « Cela va mal, ils viennent de brûler le château. J'ai fait une demi-lieue pour vous avertir. On a découvert que le marquis est dans le pays et on le cherche. Ils battent les buissons. Ne bougez point. Ce fourré est inabordable et c'est encore l'endroit le plus sûr. » « Je veux sortir !» s'écria Mademoiselle de la Charnay hors d'elle-même. « Ne me quittez pas, nous allons sortir. Dieu vous en garde. Vous ne feriez pas un pas sans vous livrer. Du courage, j'ai mon fusil si près, je reviendrai vous prendre. » Il s'approcha avec un regard qui semblait dire « Peut-être ne nous verrons-nous plus. » Il baisa la main de Mademoiselle de la Charnay et se perdit comme un daim dans l'épaisseur du bois. Tout à coup, dans la direction qu'il avait prise, partit un coup de feu suivi d'un profond silence. Elle rentra en s'appuyant aux parois, sa raison était ébranlée. « Ne pourrions-nous nous remettre en marche ?» dit le marquis. « Il pleut, » lui répondit sa fille. « Je le crois, et ce logis est déjà très humide, au moins qu'on fasse du feu. »« Non, » dit-elle vivement, car elle savait que c'eût été se trahir infailliblement. « Non, » reprit-elle, glacée de terreur. Elle venait d'entendre la marche et les voix d'une troupe nombreuse. « Je suis transi, » dit le marquis en lui prenant les mains, « et vous-même, mon enfant, vous tremblez. » « C'est égal, » ajouta-t-il en se frottant les jambes. « Ce n'est rien auprès de ce que nous avons souffert en Souabe. » Les gens qu'on entendait n'étaient plus qu'à quelques pas. Mademoiselle de la Charnay vit par l'ouverture les baïonnettes qui dépassaient le taillis, puis elle distingua à travers les branches l'éclat des armes et des uniformes. Les soldats étaient éparpillés et s'avançaient avec précaution vers la hutte. À ce moment, un véritable délire la saisit, le battement de ses tempes l'étourdit, elle ne voyait plus, n'entendait plus. Elle entrevit seulement comme un éclair que tout était fini et qu'elle sauverait peut-être son père en se livrant. Elle se leva, s'arrêta encore, se jeta dans le bois et se mit à courir avec toutes les forces du désespoir d'un côté opposé en répétant les mains crispées sur sa poitrine. « mon Dieu, sauvez mon père !»« Une brigande !» cria un bleu. Le linge blanc qu'elle portait la faisait distinguer à travers le bois. Elle avait réussi. Les soldats se détournèrent, se la montrèrent l'un à l'autre et se mirent à sa poursuite, appesantis par leurs bagages. Elle courait avec une vigueur inconcevable, les cheveux flottant, s'accrochant aux branches, rompant les herbes, déchirant ses pieds et ses mains pour les attirer le plus loin possible. On lui tira 8 ou 10 coups de fusil malgré les cris du sergent. Elle ne tomba point. Les bleus les plus éloignés coururent à la traverse pour lui couper le passage. Un soldat plus animé était sur le point de l'atteindre. Ce danger la précipite encore, mais sa robe s'embarrasse dans un branchage. Elle tombe, se dégage, retombe, on court, on la prend. On vit alors sa robe tachée de sang. Elle avait pris 3 balles dans les reins. Le sergent s'approcha et dit de la part du capitaine qu'on ne lui fit pas d'autre mal et qu'on la mena au quartier. Comme elle était évanouie, on croisa des fusils, on l'emporta sur ce brancard. Les soldats, sauf les quelques hommes qui s'étaient détachés pour escorter la brigande, retournèrent sur leurs pas. Harassés de fatigue et à peu près satisfaits de cette capture, ils ne cherchaient plus qu'un abri pour se reposer. La terre était partout trempée de pluie. Ils se rapprochèrent en causant de l'endroit où ils étaient d'abord. Des chevaux passèrent au galop. C'était le représentant, le chef de brigade et quelques gendarmes qui regagnaient les postes. Tandis que cette scène s'était passée, le marquis, étonné d'abord de se trouver seul, avait appelé sa fille, de trop loin heureusement pour être entendu. Il pensa qu'elle était sortie pour parer en quelque chose au dénuement où ils étaient. Et comme le froid lui devenait insupportable, il rôdait dans sa loge, cherchant çà et là les moyens de faire du feu. Il avait une longue habitude des chaumières du bocage, et il fouilla d'abord le foyer. Les cendres étaient froides, mais on y avait laissé des débris de bourrée. Il tâta le long de la cheminée, trouva le sabot où l'on met les allumettes. et, avec les allumettes, l'amadou et le briquet du bûcheron. Il embrasa l'amadou dans un morceau de linge qui prit feu. Il s'accroupit, attisa, souffla, et fit tant avec mille peines qu'il parvint à mettre le feu aux feuilles sèches. Puis il s'établit tout réjoui devant l'âtre. La flamme monta bientôt avec des flots de fumée. Un groupe de 4 ou 5 soldats venait de s'engager parmi des paysageons et s'occupait d'étendre les capotes sur un terrain plus sec pour s'y coucher, quand l'un d'entre eux, levant la tête en maudissant la pluie, hésita un moment et puis dit qu'il voyait un filet de fumée qui partait de quelques trous de brigands. « Grand bien lui fasse, » dit le caporal. « Je ne suis pas en état de le déranger. » Cependant, l'espérance d'un meilleur gîte les fit tous se lever et se remettre en quête. Ils se dégagèrent avec peine du fourré et arrivèrent aux amas de fagots qui cachaient la hutte. Mais ils cherchèrent inutilement de tous côtés sur ce ciel brumeux la fumée qu'on avait vue. « C'est un feu éteint, » dit l'un d'entre eux. Ils donnèrent quelques coups de baïonnette dans les bourrées et, n'y voyant nulle trace, ils s'accommodèrent de l'endroit, s'y établirent ça et là et s'endormirent pour la plupart. Une heure s'écoula. Le marquis, blotti au coin de la trétin, récitait son chapelet pour s'exhorter à la patience. Cependant, il se lassait d'attendre. Le froid l'avait repris. L'inquiétude l'emporte. Il se met à crier « Thérèse ! Thérèse !» Les soldats ronflaient et ne bougèrent point. Le marquis s'échauffe au bruit de sa voix et reprend du haut de sa tête « Paulet ! Paulet !» « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit le caporal à son camarade qui s'étirait sur ses fagots. Le marquis appelait toujours. « Il y a quelqu'un là ? » dit un soldat. « Quelqu'un de chez nous ?» Le caporal se leva. Il entendit la même voix, qui semble sortir de terre et qui le guide. Il cherche, tourne, soulève les branches, se glisse au travers. « Holà ! » dit cet homme à demi-endormi. « Voici l'abri. Nous sommes bien bons de rester à l'air. » Le marquis s'était tu à ce bruit. Deux des soldats eurent le courage de se lever. « Laissons dormir les fainéants, » dit le caporal. Ils se glissèrent en rampant dans la hutte qui était obscure. Monsieur de la Charnay était dans un coin qui écoutait. Ils ne le virent point. « Voilà le feu qui fume, » dit l'un. « Les brigands ne font que de partir. Je pense bien qu'il y en a un qui s'étouffe par ici. »« Bon, » dit l'autre, « mon amadou était mouillé. » Le soldat prit un tison pour allumer sa pipe. « Qui va là ? » s'écria le marquis. « Qui va là toi-même ? » dit le soldat en lui portant son tison au visage. Il dit qu'il était aveugle. « En voici un qui n'a pas pu suivre les autres. »« Messieurs, » dit le marquis en se levant et d'un ton impérieux, « à qui ai-je l'honneur de parler ?» Les soldats se mirent à rire et allumèrent leur pipe sans lui répondre. « Messieurs, » reprit-il, « ayez égard, je suis vieux et infirme. » « Dites-moi si vous savez quelque chose sur les événements et si vous n'avez pas vu ma fille près d'ici. »« Approche, qu'on t'examine, » dit le caporal en le prenant au collet. « Prenez garde à qui vous parlez, » dit le marquis en se redressant de toute sa taille. « Sachez que je suis l'un de vos officiers et que ce sont les bleus qui m'ont mis dans l'état que vous voyez. »« Ne te gêne pas, » dit le caporal en se tournant vers ses hommes. « Je te conseille de t'en vanter. C'est bon, on prendra soin de toi. » Puis il appela ses camarades en dehors, la hutte se remplit de soldats. Le marquis continuait sur le même ton. « Ah, c'est donc ainsi que se conduisent nos hommes à présent ? J'en informerai vos chefs, et je vous ferai dégrader à la tête de vos paroisses. Je vous apprendrai blanc-bec à respecter les vieilles moustaches. »« C'est un reste de ci-devant, » dit le caporal en sortant. « Allons chercher l'officier et le représentant, qu'ils fassent de lui ce qu'ils voudront. » On laissa deux hommes en faction à l'entrée. Les soldats pensaient que cet homme était le maître du château qu'on avait tant cherché. Le représentant, pressé de partir, chargea le chef de brigade de s'en assurer. Le capitaine Mainvielle fut le premier instruit de la découverte et résolut avec Paulet, qui se désolait, de tenter un dernier effort pour sauver du moins M. de la Charnay. On venait d'expédier sa fille à Nantes, mais si malade qu'ils espéraient qu'elle échapperait au supplice. Ils convinrent que Paulet s'introduirait auprès du marquis sous prétexte de son métier d'espion et le déciderait à cacher sa qualité, après quoi l'on tâcherait de le faire évader. Le capitaine Mainvielle risquait sa tête pour son ancien officier. Il accompagna Paulet lui-même et lui ménagea la bonne volonté des factionnaires. Paulet se glissa jusqu'auprès de M. de la Charnay, qu'il trouva debout, encore tout échauffé et tâtant au long des murs comme pour sortir. « Ah, c'est toi, Paulet !» s'écria-t-il, cela est heureux. » Et comme il entamait ses récriminations, Paulet se jeta à ses pieds, lui prit les mains, les mouilla de pleurs. « Monsieur le marquis, qu'avez-vous fait? Tout est perdu. » Et il lui raconta à la hâte, d'une voix entrecoupée de sanglots, où ils étaient, ce qui se passait, l'état du pays et tout ce qu'on lui avait caché. Le marquis leur poussa comme s'il rêvait. Paulet ajouta ce qu'il put avec des protestations pressantes et des marques de désespoir qui ne permettaient pas un doute. Monsieur de la Charnay, étourdi, dit enfin, « Et nos armées ? Ah, monsieur le marquis, vous ne savez rien. Détruite, dispersée, le pays est en cendres. Et la reine, morte à Paris sur l'échafaud depuis 2 mois. Et le jeune roi, toujours en prison dans la cour du temple. Et la coalition étrangère, vaincue, dissoute. Et mon fils, il est mort, monsieur le marquis. » À ces questions faites coup sur coup, on eût dit un homme qui roule dans un abîme et jette ses mains de place en place pour se retenir. Il sembla que le marquis, par un miracle terrible, rouvrait les yeux devant ces effroyables événements. Il laissa tomber sa tête sur ses genoux. Paulet se releva plein d'impatience. « Il n'y a point une minute à perdre. Il faut vous sauver. Les soldats vont venir. Il y a un officier qui vous protège. Vous avez des habits de paysan, comme moi. On dira que vous êtes mon père ou que vous n'avez pas la tête à vous. Laissez-moi parler. Cela suffira. » Le marquis ne répondit point. « Je les entends qui viennent, » reprit Paulet hors de lui. « C'est convenu. Vous n'aurez rien à dire. Vous vous appelez Jacques. C'est le nom de mon père. » Et il s'en alla. En effet, le commandant arrivait, s'informant avec les officiers et rapportant les ordres du représentant. Le capitaine Mainviel lui dit que cet homme était un paysan idiot et de plus aveugle. On fit dégager l'ouverture de la hutte et les officiers s'y introduisirent. Le capitaine Mainviel dit au marquis, « Citoyen, voici le chef de brigade qui vient t'interroger. » « C'est bien inutile, » dit Paulet. « C'est mon père qui est un pauvre infirme. » Il fit signe de la main qu'il n'avait pas l'esprit libre. « Silence, » dit le commandant, « qu'il s'explique, on verra. » Il reprit, « Dis donc, l'homme, comment t'appelles-tu? Qui es-tu ? » Le marquis se leva au milieu d'un profond silence et dit, « Je m'appelle Marie-Athanase Chrétien, marquis de la Charnay et le dernier de cette maison. » « Vous voyez bien qu'il ne faut pas l'écouter !» s'écria Paulet. Le capitaine Mainviel pâlit et dit en haussant les épaules, « C'est un vieux fou !»« Non pas, messieurs !» s'écria le marquis à pleine voix. « Je suis le marquis de la Charnay. J'ai perdu mon roi, mes enfants, mes biens. Obligez-moi de me laisser mourir. » Il ouvrit sa veste, prit son portefeuille et le jeta aux pieds du commandant. Le commandant lança un regard sévère au capitaine Mainviel. Il fit examiner les titres par les secrétaires. « C'est bon, » dit-il ensuite, « qu'on l'emmène. » Monsieur de la Charnay, à dater de ce moment, ne répondit plus à personne, pas même à Paulet, qui tenta plusieurs fois de lui parler, et chose singulière, il ne dit plus un mot de sa fille. Il passa la nuit au campement et fut dépêché à Nantes le lendemain. Cet homme, à cet âge et dans ce malheur, avait conservé une force de corps et d'esprit incroyable. Il fit 18 lieues à pied en plein hiver, la tête découverte, attaché à un fourgon côte à côte avec des soldats. On trouve de derniers détails sur M. de la Charnay dans la correspondance d'un M. Huon du Panloup, officier vendéen, qui se réfugia à Nantes même, où il passa les jours les plus affreux du règne de Carrier sous les habits d'un homme du peuple. M. de la Charnay fut jeté dans la prison qu'on appelait l'hôpital. 4000 prisonniers, entassés les uns sur les autres, s'étouffaient dans ce charnier, sans feu et sans pain. On n'y relevait pas les morts, on n'employait à le vider que les charrettes de la guillotine. Monsieur le marquis de la Charnay fut confondu dans cette multitude, et personne n'a rien dit de ce prisonnier aveugle. Il est probable qu'il y serait mort de faim dans son coin s'il y fût resté plus longtemps. Un jour, la foule entoura les charretés qui marchaient vers l'échafaud. Carrier avait fait ajouter au cortège un chœur de musique patriotique. On vit sur l'une des charrettes un vieillard à cheveux blancs et aveugles qui inspirait une pitié profonde. Personne alors ne le reconnut, mais voici ce qui arriva, ce que tout Nantes a vu, et qui a été raconté par les valets de l'exécuteur. Il y avait sur la même charrette une jeune fille à demi morte déjà et mêlée à des sœurs de la sagesse qu'on exécutait aussi ce jour-là. Ayant tourné la tête vers le vieillard, elle s'appuya sur le rebord et demanda aux religieuses de la laisser passer jusqu'auprès de cet homme, qu'elle appela son père. Ils firent un mouvement l'un vers l'autre, mais ils avaient les mains attachées. On la vit se mettre à genoux. Elle semblait lui demander pardon. Monsieur le marquis de la Charnay, car c'était lui, pleura, lui qui avait paru si ferme jusque-là. Elle se pencha ensuite sur son sein, et ils demeurèrent ainsi comme deux statues jusqu'à la place fatale. Les cœurs étaient brisés de cette scène. Ils descendirent les derniers, et l'on essaya de les séparer. Le couteau de la machine tombait et se relevait avec un bruit terrible. Comme l'exécuteur venait les chercher, le vieux monsieur de la Charnay lui dit en se détournant « Monsieur, je vous demande une grâce. Cette femme est ma fille, et je vous prie de la faire mourir avant moi. Moi, du moins, je ne la verrai pas. » Le bourreau lui accorda ce qu'il demandait et saisit mademoiselle de la Charnay. Le père monta derrière elle en la tenant par le pan de sa robe. Ils s'embrassèrent encore sur l'échafaud. Quand on la lui arracha, il s'écria « Vive le roi !» Et quand ce fut son tour, il cria encore par deux fois « Vive le roi !» Et leur tête s'allait rejoindre au bas de l'échafaud. Un mouvement indéfinissable trahit l'horreur de la foule qui regardait. Ainsi s'achève le marquis de la Charnay d'Édouard Ourliac.